Allez, on va les connecter. Salut les engins. Salut les engins. Voilà. Wapa la famille du 7. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Wouhou. Bon, petit live pour faire plaisir jusqu'à midi. Hein. À tous les confinés là. Salut François. Salut Nadia. Ça va? Ouais, matinale. Hein. Il est 6h. Salut Laurent. Tout le monde va bien? Allez, c'est parti, hein. Je voulais faire un petit mix live là. Jusqu'à midi moins le quart pour vous faire plaisir. Here we go! Bonjour tout le monde, salut Olivier, salut Nico, salut Elodie, salut Brice. Ouais, on n'arrête pas, hein. Ça va Brice? On est là, salut Fatima. Un live pour vous. Salut Fatima, big up la famille. Salut le 7. Ménage en musique. Bah ouais Nadia, nickel. Rappelez les souvenirs du Cap d'Agde. Salut Manu. Bienvenue au 7. C'est parti pour 55 minutes de mix. Allez, here we go. Tout le monde va bien? Salut Sabi, ça va? Allez, il est 11h. Jusqu'à midi moins le quart. Est-ce qu'il fait beau à Djerba? Let me tell you. Salut Karl, salut Olivier, salut la famille. C'est parti pour Extravadance. Salut Audrey. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm. Salut Emmanuel. Welcome dans le live. I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Qui fait le ménage. En direct là, mais je suis sur la page du 7. Voilà, connectez-vous sur la page du 7 discothèque. Come on, come on. Nico, salut Jean-Philippe. Ça va les zinzins? Ouais, je suis sur la page du set là. Hein. Je suis pas sur ma page perso. Salut Séverine, salut Laurent. Salut Isabelle, salut Fred, salut les zinzins. Yeah. Salut Alex, t'as trouvé la bonne page. Salut Fabienne. Can't you see, you're my delight, lady, I just feel like I won't get you out of my mind, I feel love for the first time, and I know that it's true, I can tell by the look in your eyes. Ouais, je suis sur la place du 7, hein, Fred, Alex aussi, hein. Là. Ça va la planète? Salut la planète! Welcome. Salut Angie, salut Catherine. En direct à la radio, comme à l'époque. Estelle. Ouais, Estelle de Bordeaux. Salut Karl. Salut Benoît. On est sur la page du 7, hein. C'est pas grave, car on s'en fout. On est là pour se marrer. Welcome sur la page. Avec du vrai son à l'ancienne. Salut les clubbeurs à l'ancienne, là. Salut à tous les Marnais qui nous regardent. Salut Alex, salut les routiers. Tous les routiers qui nous écoutent là dans le camion. Big up la famille. La Haute-Marne, hein. Salut la Haute-Marne. Et cette extravadence. Salut Seb, salut Amélia. Venez faire du bruit avec nous en direct. Petit clin d'œil à Avicii là. Salut la famille Avicii. Les routiers sont sympas, c'est ça, voilà. Salut tous les routiers qui nous écoutent dans les camtars là. Salut Aurélie, ça va Aurélie? We'll be right back. Salut la caserne des pompiers là. Salut la famille du Nord. Montez le son, ça va faire du bruit. En direct à la radio, Hélène qui est là. Salut Hélène. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Salut Hélène, ça va Hélène? Salut Jean-Claude, ça fait plaisir de te voir Jean-Claude. Allez en direct. À bientôt Hélène, bientôt, la réouverture, on sait pas encore. On attend que Macron y décide. Ah l'état français, je te jure. Salut la famille des Zinzins en direct. Salut Teddy Bourgoin, le son à fond dans la cuisine. Salut mon Teddy, j'espère que tu vas bien. Big up à mon pote Teddy qui est là. Faites des cœurs pour Teddy. Salut Sébastien, salut les routiers. Salut les Zinzins. Salut Jarba, salut la Réunion, c'est parti. Extravadence, on dirait de chez Teddy Bourgoin à Orléans. Allez, comme à l'époque. We'll be right back. c'était bon ça. C'était bon ça. Fatal Small. Salut Caroline. Pour les adeptes d'année 2000 là. Fatal Small. Turn Around. À fond dans la cuisine chez Teddy là. Entre deux poulets. Salut Teddy. En vacances, Caroline, nous on est tous les jours en vacances quasiment. Salut Caro. Pour les meilleurs, ça. Teddy qui nous prépare à bouffer avec la zik à fond. Il y a Jack qui est là. Salut mon Jack, salut mon Jackie. Extra va dance. C'est tous les jours le week-end. Michael Gray pour Stéphanie qui nous regarde. Salut Steph. Ah ouais, on a perdu Séverine ce matin. Peut-être. Du 7. Allez la chercher, dites-lui. Vite Laurent, on va la chercher. Week-end. Ça va Marco? Ah bah t'es là la Steph. Il en manque une autre. Et on va prendre Juliette au téléphone. Allô Juliette, bonjour Juliette. Bonjour Francky, comment vas-tu? Et toi, ça va ce matin Juliette? Bah écoute, ça va très très bien, malgré le temps nuageux aujourd'hui. Ouais, ça va, ça se découvre un petit peu là quand même, hein. Juliette. Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Juliette, tu reviens vers nous pour l'opération Mercy, M-E-R-C-I. Pour l'hôpital d'Orléans, une belle opération. C'est ça. Voilà, des dons qui ont été récoltés. Déjà, il y a combien dans la cagnotte, là, à peu près, tu sais? Eh bien, écoute, on arrive bientôt à 1200 euros. Ah, c'est bien, 1200 euros. Bravo, ouais, quand même. C'est ouais. Génial. Et, on est très, très contents. Ouais, cette cagnotte qui est destinée à l'hôpital d'Orléans pour aider les soignants, les aides-soignants, les docteurs, etc., les infirmiers, infirmières. Pour finalement. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu plus, Juliette? Bien sûr, donc du coup on a déjà récolté 1200 euros bientôt. Ouais. Tu as fait une vidéo, il y a pas mal de gens qui ont fait de vidéos pour nous soutenir. Ouais. Faut savoir, je rappelle, on est 4 personnes hein, à avoir monté cette opération. Ouais. Idrissa, Alex et Pépéros. Ah, Pépé. La famille, ça. Et donc du coup voilà, on est à bientôt à la fin de notre cagnotte parce qu'il reste à peu près une dizaine de jours. Ouais. L'idée c'est d'améliorer les petits déjeuners du personnel soignant et de faire d'autres opérations en interne grâce à cet argent, ouais. De façon à soutenir le travail du personnel soignant. Et il y en a du travail, il y en a, ouais. Il y en a. Et l'idée c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va certainement reverser notre cagnotte dans la cagnotte de l'hôpital. Ah ouais, bravo, ça fait un peu plus. Voilà. Ouais. Voilà, comme ça, ça leur fait un peu plus dans leur cagnotte. Et puis du coup, ça montre l'action de tous ceux qui nous ont soutenus, ouais. À travers un versement. Et ben voilà, en tout cas, une belle opération qui s'appelle Merci. Le lien est sur les Facebook, c'est ça? Le lien s'appelle Merci, le lien. C'est ça, le lien est toujours sur le Facebook. Alors l'opération, elle s'appelle Merci CHR Orléans. Ouais. C'est la cagnotte Litchi qui est directement sur leur site internet. Mmh. Et après, vous avez effectivement le lien Facebook à peu près sur toutes les personnes qui ont participé. Je crois même que toi, tu avais partagé. Ouais, j'ai partagé, et puis je partage régulièrement, je partage aussi, voilà. C'est ça. Donc on invite. Et d'ailleurs, vas-y, ma chérie. Non, je voulais te faire un clin d'œil parce que j'ai trouvé très, très, très bien ton opération. Pour soutenir votre discothèque. Ah ouais, sympa, hein. Ouais. Voilà, très sympa. Moi, je vais acheter ma place aussi parce que c'est une manière effectivement de soutenir les entrepreneurs dans cette période. Hein. Alors en fait, ça a été monté par les brasseurs, tout ça, qui ont filé un coup de main au bar, au resto, aux discothèques. En fait, c'est pas un appel aux dons. C'est comme si on achetait un billet de concert à l'avance et puis qu'on vient le jour même le consommer. Voilà. Pareil. Ça, écoute, j'avais bien compris ouais. Le principe et franchement, c'est top. Voilà. Puis nous, en fait, ça nous permet aussi d'avoir notre petit stock de place et de se dire, allez, bah oui. J'ai ma place et je vais pouvoir venir bientôt quand ça sera terminé. On espère, en tout cas. En tout cas, on vous rappelle le lien Litchi, c'est Merci, M-E-R-C-I, c'est pour l'hôpital d'Orléans pour aider. Encore, il faut de la thune pour s'en sortir, hein. C'est ça, hein. Ouais. C'est ça. L'idéal, ça serait d'avoir le vaccin, hein, aujourd'hui. Ah, écoute. Ça serait l'idéal. Je crois que c'est le Graal. Ouais, ça serait le Graal. Bah, merci Juliette de nous avoir appelé pendant ces 3-4 minutes. Merci Francky pour ce petit passage. Ouais, bah, plein de bisous Juliette. Bon, la pêche. Bisous ouais, la à pêche. Toi. Salut. Vas-y. Les auditeurs. On vous rappelle le lien, c'est M-E-R-C-I. Passez une très bonne journée. Et puis Soprano qui a perdu son papa il y a pas longtemps. Justement, on voulait lui faire un petit clin d'œil à Soprano, le remix de Clown. En direct à la radio. Soprano, big up à lui, à Marseille et à son papa qui nous a quittés malheureusement. Je voulais faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Voici Soprano, le remix. Faites du bruit les zinzins. Désolé ce soir, je n'ai pas le sourire. Je fais mes nettes sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Petit clin d'œil à Soprano, big up à son papa. Quand je suis payé, je remets mon héros. Le remix. Big up à Juliette aussi, hein. En direct, Soprano, le clown. Salut Nico! Salut mon Nico! Juliette, t'as le bisou des pompiers. T'es soutenu, Juliette. Merci, la cagnotte, n'oubliez pas la cagnotte Litchi. Merci, M-E-R-C-I. C'est pour l'hôpital. Voici Soprano, le clown. Big up à papa. Oh, Daddy. Daddy. Écoute. En pleine forme. Salut Séverine. Bah enfin, on l'a cherché partout, la Séverine. Elle est où, la Séverine? Séverine, on t'a perdu? Séverine, Séverine, Séverine, ah, elle est là. Salut Séverine. C'était le petit clin d'œil pour Soprano, malheureusement qui a perdu son daily. Bisous au personnel du CHRO et plein courage, le CSP Nord. Voilà, t'as le bonjour des pompiers, Juliette. Et puis celui-là, vous le connaissez par cœur, c'est Jamiroquai, The Cosmic Girl. J'adore. Salut les pompiers nord. Ça avait de la visite, ça interdit de la visite. Salut Seb. Salut mon Antoine, le plaisir de te voir. Allez les zinzins jusqu'à midi. C'est pardonné Séverine. Et n'oubliez pas la cagnotte Litchi pour l'hôpital d'Orléans. Merci M-E-R-C-I sur Facebook partout. La cagnotte Litchi, merci. Allez, Jamiroquai. Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I see with chicken. So she... Salut les pompiers du Nord. With her cosmic eyes. Salut le Nord. Salut les pompiers. Pas le Nord de la France, mais le Nord, hein, ça rend. Merci Bubu, DJ Bubu. La famille. My heart's a zero gravity. Just from my cosmic world. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I've been needing ecstasy. Dreaming on my feet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. On est à Orléans et ça fait du bruit aujourd'hui. Le soleil qui arrive, ça y est, le soleil qui arrive. Tu nous as manqué, Séverine. C'est important de donner, même si on donne que 10 euros, c'est même 5, hein, c'est bon. Hein. La cagnotte s'appelle Merci, M-E-R-C-I. C'est pour le personnel hospitalier d'Orléans, l'hôpital. N'hésitez pas à aller trouver sur Google, vous tapez Merci la cagnotte Litchi, vous allez voir. Salut les zinzins, jusqu'à midi. El Calabria, El Calabria. Putain, je vous ai préparé un remix de Village People là. Ça va vous ambiancer avec le soleil qui arrive. Bienvenue, on est à Orléans aujourd'hui. C'est mignon, c'est vrai. Je voulais faire du bruit jusqu'à midi. Je voulais vous donner le moral et la patate aujourd'hui. Le remix de Village People. Je voulais faire du bruit, Orléans. Ta radio fait du bruit. Salut Séverine. Voir tous les zinzins jusqu'à midi là. J'ai plein de remix avant midi. No! on y va. Allez, home holiday. Marrant comme prénom, ça. Les vacances à la maison. You got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Maybe why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Et puis bon courage à tous ceux qui font le ramadan aussi, hein. Salut les zinzins, salut la famille. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Allez les enfants. Ça va, Dom? Moi aussi, j'ai hâte de te voir en vrai, Stéphanie. You know, I hopped into my car, didn't get very far, no. Cause I had you on my mind, why be so unkind? Woohoo! Woohoo! You got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. But when I turn on the radio, I found all I needed to know. Check it out. Hey, listen up to the local DJ. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your bang is your trouble, just to move out on the double. And you don't let it bubble your brain, cause away goes trouble down the drain. I said away goes trouble down the drain. I wanna see Moi aussi j'ai envie de te voir en vrai, Stéphanie. DJ, I'm the J. Fait du bruit aujourd'hui, Galan. Connu les années 2000 là, avec du vrai comme ça là, jusqu'à midi. Ouais, je préfère des badges pour l'ouverture avec la Zinzin Family, hein. Vous aurez tous votre badge Zinzin Family. On nous aura droit à plein de choses avec ça. C'est pas mal ça. C'est un peu VIP quoi. Allez Zinzin. Le badge Zinzin Family, je vais les faire faire. Putain, les années 2000 c'était bon hein. Bonne idée Sabi, il y aura des badges pour les zinzins à l'entrée. Pour vous passer une belle soirée. Allez les vrais, jusqu'à midi. Il est terrible celui-là, hein. Human Nature, Sweet Drops, 96, t'avais quel âge en 96? On va faire la troupe des zinzins. Et le soleil qui est là. Eh ouais Fred, le soleil est là. Pas besoin, Sabi, vous avez déjà des têtes de zinzin. Allez les zinzins, jusqu'à midi. On se quitte les amis, allez, jusqu'à midi, la fête des zinzins. Underdog Project, do you remember? Et je vous préviens, à chaque fois que je fais un live maintenant, toute la semaine, je vous préviendrai 2-3 heures avant, hein. Ok? Eh, restez chez vous, il faut qu'on sorte de cette merde. Hein. Salut les zinzins, je vous prends juste derrière. Bon anniversaire Florian, elle a 27 ans aujourd'hui. Salut mon Flo, big up. Seigneur, c'est mon pote Pépé Rose derrière confinement. On parle de la keynote, merci pour l'hôpital d'Orléans juste derrière. Salut Rose. De rien mon Carl. Normal. On est des zinzins. Et tu l'as rencontré où ta femme Carl? Salut Séverine. Salut Violette. Super musique, merci Violetta. C'est l'heure de se quitter. On se quitte avec mon ami Pepelos. Il a fait un titre pour le confinement. C'est Pepelos. Et je vous rappelle la cagnotte Litchi pour l'hôpital d'Orléans. Elle s'appelle Merci, M-E-R-C-I. N'hésitez pas à filer même 2 euros, 5 euros, 10 euros. Merci, M-E-R-C-I. C'est Pepelos. Confinement. Allez, soir. Faut qu'on analyse mon corps. Restez chez vous. Chez vous. Lundi, je suis en confinement. Mardi, je suis en confinement. Mercredi, en confinement. Jeudi, je suis en confinement. Vendredi, en confinement. Samedi, je suis en confinement. Dimanche, en confinement. J'attends tranquillement. Restez chez vous, épargnez les médecins. Covid attaque, te prends, te laisse en chien. Fais pas de cadeaux aux jeunes et aux anciens. Prends soin des tiens, ouais, ouais, prends soin des miens. Je vous prends juste derrière, Pepelos. Le virus veut nous faire. Je regarde les faits divers. Y'a plus de morts qu'hier. C'est le moment de se souder, se check par le coude. On se parle en vision, on se voit et c'est cool. Restez chez vous, y'aura aucune embrouille. Restez chez vous, y'aura aucune. C'est le moment de se souder, se check par le coude. Je te passe le salam par vision et c'est cool. Restez chez vous, y'aura aucune embrouille. Leader d'opinion doit porter ses... Lundi je suis en confinement. Mardi je suis en confinement. Mercredi en confinement. Jeudi je suis en confinement. Vendredi en confinement. Samedi je suis en confinement. Dimanche en confinement. J'attends tranquillement. Si tu sors, oublie pas le masque. Si tu sors, oublie pas les gants et le masque. Si tu sors, oublie pas le masque. C'est comme le T-Max, jamais sans le casque. Tu sors, oublie pas le masque. Si tu sors, oublie pas les gants et le masque. Si tu sors, oublie pas le masque. C'est comme le T-Max, jamais sans le casque. Lundi, je suis en confinement. Mardi, je suis en confinement. Mercredi, en confinement. Jeudi, je suis en confinement. Vendredi, je suis en confinement. Samedi, je suis en confinement. Dimanche, en confinement. J'attends tranquillement. Faut voilà, Pépé, il a voulu mettre la main à la patte, comme on dit, avec ce titre qui s'appelle Confinement. Je vous rappelle le lien Litchi, c'est Merci, M-E-R-C-I. Et n'hésitez pas à faire un petit don pour l'hôpital d'Orléans, voilà. Et puis bah nous le 7 on a fait une cagnotte. C'est pas une cagnotte en fait, c'est comme si vous achetiez une place de concert à l'avance. En fait vous achetez votre place de, je sais pas, d'entrée de discothèque ou votre conso, et puis vous la payez via internet. Et ensuite quand on va réouvrir, vous venez avec votre mail. Et puis bah Stéphanie Biel l'a fait, j'ai vu son nom apparaître sur une consommation ou une entrée, je sais plus. Et voilà, c'est super simple, hein. Tous les jours je mets le lien. N'hésitez pas à prendre une entrée, une conso ou alors un vestiaire, je sais pas, comme vous voulez. Et puis ça permet à nous de reprendre un peu de trésorerie. Et puis le jour de l'ouverture, bah, de pouvoir faire la fête avec vous. Voilà. Comme quoi, en ce moment, bah, on ne gagne pas du tout d'argent. On est carrément fermé. Hein. Voilà. Donc on a des aides de l'État un petit peu, ça va. Mais bon, faut qu'on revienne en force et grâce à vous. Merci la famille. Je vous dis à demain. Alors demain, je ne sais pas à quelle heure. Peut-être demain à 11h, peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas. Je vous tiens au courant. Je vous aime très très fort. Merci de partager. Salut la bosse. Demain, bon courage à tous. Salut Thierry Go, un ancien du 007. Salut mon Thierry. Bisous mon Thierry. Ciao.